Pourquoi ceux qui hantent ma vie sont beaux? Pourquoi sont-ils si bronzés, si beaux? Pourquoi viennent-ils au lycée en voiture? Pourquoi moi n'ai-je toujours pas de voiture? Et moi, j'aimerais en être un. Et moi, j'aimerais être comme toi. Et moi, j'aimerais en être un. Et moi, j'aimerais être comme toi. Pourquoi Mathieu va avoir une voiture? Pourquoi Anne-Claire a-t-elle une carte bleue? Ils sont tous heureux et matérialistes. Pourquoi ne suis-je pas sur la liste? Et moi, j'aimerais en être un. Et moi, j'aimerais être comme ça. Et moi, j'aimerais en être un. Et moi, j'aimerais être comme toi. Pourquoi ont-ils de la chance dans les mains? Pourquoi suis-je inférieur à un humain? Pourquoi je reste bien moins qu'un sous-homme? Pourquoi habite-t-on encore à Manum? Et moi, j'aimerais en être un. Et moi, j'aimerais être comme toi. Et moi, j'aimerais en être un. Et moi, j'aimerais être comme toi.